Chapitre 4. Les quelques jours qui suivirent la scène que nous venons de raconter se passèrent sans que la position de Raphaël s'améliorât. Il avait été transporté chez le docteur Urbino et aucun soin ne lui manqua. Une fièvre ardente s'était déclarée. On le veillait nuit et jour. La vieille Beppa ne le quittait pas. Et l'on ne pouvait prévoir s'il se rétablirait bientôt, ni même s'il ne succomberait pas aux souffrances inouïes qu'il paraissait endurer. Le comte Hercule était déjà venu à plusieurs reprises s'informer du blessé auprès du docteur, et chaque fois il avait laissé percer une haine implacable, une ardeur impitoyable de vengeance. On eût dit qu'il craignait que la mort ne lui enlevât sa victime, et il n'avait pas caché au docteur qu'il attendait une réparation éclatante. Le docteur s'effrayait de tant de haine et de tant de colère. Il craignait une catastrophe et sa pitié s'éveillait à la pensée qu'il allait arracher Raphaël à la mort pour le mettre en présence d'une vengeance terrible. Et puis, il avait le temps de s'intéresser aux amours si purs et si chastes de la comtesse. Il aimait maintenant le jeune homme comme s'il eût été son enfant. Il ne voulait pas qu'il mourût. Il n'avait qu'un désir, c'était celui de le sauver. Or, le docteur Urbino passait généralement dans le pays pour un homme auquel il n'était pas facile de faire changer d'idée, surtout quand il s'agissait d'une bonne action. Un matin donc, quand le comte Hercule se présenta comme d'habitude à la maison du docteur, il trouva sur le seuil de la porte Beppa qui pleurait à chaudes larmes, et près de là le docteur, le visage triste et l'air abattu. Le comte se précipita vers ce dernier, les tempes mouillées d'une sueur froide. « Qu'y a-t-il ? » s'écria le malheureux vieillard d'une voix tremblante. « Il est mort, » répondit le docteur. « Qui ? Qui cela ? Raphaël ? Impossible. Venez, monsieur le comte, venez. » Le docteur entraîna son interlocuteur vers une chambre du rez-de-chaussée où était étendu le corps inanimé du malheureux Raphaël. Le comte s'approcha vivement du lit sur lequel reposait le cadavre. Il ne pouvait croire encore à ce qu'on venait de lui apprendre. Il voulait voir. Il voulait toucher la réalité. Il saisit la main du jeune homme, elle était froide. Il approcha son oreille de son visage, il ne respirait plus. Il posa la main sur sa poitrine, elle avait cessé de battre. Il recula d'horreur. « Ainsi, dit-il au docteur avec un dernier doute, c'est cette nuit qu'il est mort. Cette nuit même, répondit Urbino. Hier, vous espériez encore le sauver, c'est vrai. Et que comptez-vous faire maintenant ? J'ai fait prévenir la famille du jeune homme. Sa mère ne tardera pas à arriver. » Le comte demeura quelques instants pensif et recueilli. Il était en proie à une violente émotion. Un combat terrible se livrait en lui. Il hésitait évidemment sur le parti suprême qu'il allait prendre. Enfin, il promena lentement son regard autour de lui, et après s'être assuré que personne autre que le docteur ne pouvait l'entendre, il lui prit la main, et d'un geste impérieux et fébrile lui désignant Raphaël, « Docteur, dit-il alors, il y avait au monde deux hommes qui possédaient le secret de ma honte et de mon déshonneur. Deux hommes ? » fit Urbino étonné. « L'un vient de mourir, poursuivit le comte. De celui-là, je n'ai plus à craindre d'indiscrétion, car la tombe est muette. Mais il y en a un autre, docteur, et celui-là vit, et il peut parler. « Quel autre ? » dit le docteur. « Vous ne m'avez donc pas compris ? Du moins, j'hésite à vous comprendre. » Les Monteleone n'ont jamais eu de confident pour de pareils secrets. Achevez. Et vous savez une chose, docteur, que personne au monde ne doit connaître, hors moi et la comtesse Hélène. Mais enfin, que voulez-vous, monsieur le comte ? Le comte baissa la voix à cette question et se pencha avec un regard fort vers le docteur. Si demain, dès la première heure, vous ne vous rendez pas au château de Monteleone, je prendrai des mesures pour vous mettre dans l'impossibilité de commettre jamais la moindre indiscrétion. » Et en parlant ainsi, le vieillard s'éloigna, en jetant un regard terrible et menaçant sur le docteur interdit. Le lendemain, avant de gagner le château de Monteleone, le docteur fit venir Beppa et lui donna des instructions précises et détaillées sur ce qu'elle aurait à faire, dans le cas où son absence se prolongerait au-delà de quelques heures. « Beppa, ajouta-t-il. Vous avez connu le jeune Raphaël, qui est étendu présentement dans la chambre du rez-de-chaussée, et quoique vous ne l'ayez connu que quelques jours, vous y étiez sincèrement attaché. C'est vrai, répondit la vieille servante. Cela étant, je vous annonce avec plaisir que le jeune Raphaël n'est point mort. Est-ce possible ? Fit Beppa en se signant. Cela est, poursuivit le docteur. Écoutez donc, Beppa, et retenez bien ce que je vais vous dire. Dans 3 heures environ, le jeune Raphaël reviendra à lui et recouvrera ses sens. Dès que vous le verrez en état de vous bien comprendre, dites-lui que je suis sorti, que je ne rentrerai pas de bonne heure peut-être, mais qu'il y a pour lui danger de mort à rester ici, qu'il prenne au plus tôt un cheval et qu'il gagne la frontière. Ajoutez surtout que le comte de Monteleone s'est informé très souvent de sa santé. Avez-vous compris ? Parfaitement. Alors adieu, Beppa. À ce soir, mon bon maître. Et le docteur Urbino partit, bien résolu à montrer au comte de Monteleone qu'il savait aussi bien pratiquer une saignée avec une épée qu'à l'aide d'une lancette. La mort du vieux comte, tué en duel par le docteur Urbino, produisit un singulier effet dans le pays. On se perdit longtemps en conjectures sur la cause de cette rencontre inexplicable. On connaissait le caractère pacifique du docteur. L'on savait même qu'il avait de tout temps existé une certaine intimité de relation entre les deux adversaires. On ne songea pas à mêler le nom de Raphaël à cette affaire. Quant à ce dernier, son premier mouvement en recouvrant la vie fut de courir au château. Il voulait connaître au juste la nature de l'intérêt que le comte lui avait porté pendant sa maladie. Mais il trouva le comte mort, et le docteur occupé à expliquer à la comtesse le rôle qu'il avait été forcé de jouer dans le petit drame de famille. Raphaël partit le soir même pour Turin, puis de là pour Paris. Mais tous les chemins mènent à Rome, et une année s'était à peine écoulée qu'il reparaissait comme secrétaire d'ambassade dans la capitale du Piémont. Qu'allait-il y faire ? Ceux qui fréquentaient les salons du Faubourg Saint-Germain il y a une dizaine d'années pourraient bien le dire. Il se rappelle en effet qu'à cette époque parut dans le monde aristocratique du noble Faubourg une jeune femme du nom d'Hélène de Cernay qui défraya, tout un hiver, la curiosité féminine. Elle était belle comme une fée, riche comme une reine, et elle aimait son mari comme une bourgeoise. C'était un phénomène. Son mari, M. Raphaël de Cerny, était jeune, élégant, et passait pour aimer sa femme jusqu'à la passion. Le couple eut les honneurs de la saison, mais la saison fut courte, et le printemps venu, ils s'enfuirent vers des pays plus doux aux amours. Depuis, on ne les a plus revus. Ainsi s'achève le docteur Urbino par Pierre Zaccone.